LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Est-ce que c'est l'avant-bras droit ou gauche qui vous fait le plus mal? Les deux. Les deux. Les deux. Mais pas plus les l'un deux, que mais l'autre. On va dire plus à gauche. Oui, à mon avis, plus à gauche. Mais quand comme je porte des choses à droite, les courses, les machins, les, la contrebasse. Sur l'instrument, ça serait, à mon avis, ça serait plus à gauche. Ouais. Plein le dos du boulot, les kinés à la rescousse. Rémi Dibowski-Douat, Jean-Philippe Navarre. Et c'est plus en haut du manche ou en bas? Vous ne savez pas, c'est pareil. Non, je ne sais pas. Ouais. Allez-y, non, jouez. Alors, nous sommes à la Clinique du Musicien, dans le 19e à Paris, qui est une structure assez unique dans son genre, puisque c'est une clinique dédiée uniquement aux musiciens, avec essentiellement un centre de rééducation et des kinésithérapeutes qui ne s'occupent que de musiciens, avec plusieurs dizaines d'années d'expérience, et qui aborde tous les aspects des pathologies des musiciens, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de la voix, les problèmes de vision, etc. Et il y a un versant très très important qui est celui de la prévention. Est-ce que si vous mettez la contrebasse un tout petit peu plus haute, est-ce que ça vous arrange? Parce que j'ai l'impression que vous êtes complètement voûté sur l'instrument. En fait, la problématique de la contrebasse, c'est qu'on passe du grave à l'aigu, à l'extrême aigu. Oui. Donc on est tout le temps en fait évidemment. De faire ce mouvement de bassin. Comme vous n'êtes pas spécialement grande. Bon, votre morphologie vous oblige à voûter le dos, donc vous risquez d'avoir un petit peu mal. Et alors, à ce moment-là, lorsque vous êtes sur le manche, replacez votre instrument, il faut vraiment dégager complètement l'omoplate, comme si vous poussiez le coude vers l'extérieur. Plus que ça. Hein, comme ça, au lieu d'être rétracté. Bienvenue, la Côte d'Armor. Alors c'est là, l'hôpital. Entrée des artistes, donc par derrière. Voilà. Sur un hôpital comme celui de Saint-Brieuc, sur lequel vous intervenez aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de les convaincre de faire entrer des kinés pour regarder les postures de travail et réduire les risques? J'ai le sentiment, là, depuis, après la première vague qui avait confiné tout le monde. Céline Sanchez. Il y a eu une grosse vague vers nous à ce moment-là, d'autant plus qu'on était kinés. Et qui avait vraiment cette notion de prendre soin de soi. Allez-y, démanchez. Je peux pas. Dans le sens centrifuge, voilà. Vous êtes là, vous allez démancher en poussant un petit peu sur ma main avec le coude. Ça peut aller là. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que quand je vous ai vu tout à l'heure, quand vous démanchiez, l'épaule reculait un petit peu. Ah. Pour ne pas qu'elle recule, c'est le bras qui va avancer et qui va faire avancer l'omoplate. Avant la crise sanitaire, on venait vers nous avec les mots « gestes et postures », « montrez-leur comment faire ». Aujourd'hui, vraiment, les appels que j'ai, c'est « accompagnez-nous dans une démarche, dans un prendre soin d'eux, vraiment. » J'ai découvert une population de travailleurs dont j'avais pas idée finalement. Quand on travaille dans un hôpital, on n'imagine pas qu'il y a une fourmilière de gens quelque part qui font tourner l'hôpital et sans qui l'hôpital tournerait pas. Alors là, il est 8h45, on vous accompagne et où est-ce qu'on va? Donc là, on va attaquer sur le terrain. Je vais vous présenter les coulisses de la cuisine centrale. Et tout au long, on a prévu de passer un temps avec plusieurs agents qui vont nous parler de leur métier. Ben Martial, on est arrivé plus tard. Toi, tu as déjà reçu plein de livraisons. À 6h. Donc à 6h, ben là, le local qu'on voit, là, c'était plein. Il y avait des palettes un peu partout. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors surgelés, des produits laitiers, un peu de tout. Mais vous avez, alors, il faut le décrire quand même, des mains assez considérables. On les sent musclées, on les sent faites pour saisir l'objet. Ouais. Vous avez une stature, vous êtes droit, vous êtes affûté. Oui, Est-ce que vous souffrez quelque part? C'est arrivé qu'on se blesse en faisant un mouvement, comme on dit, bête, qu'on fait tous les jours, et puis une fois, le dos se bloque. Et avec l'âge en plus. Quel âge vous avez? 54 ans. Donc, il faut s'économiser. On est jeudi. Jeudi, c'est une grosse journée. Tous les cartons, c'est en tonnes qu'on ramasse la marchandise, quoi. De 6 à 9 heures, j'ai fait que porter, quoi. Là, je viens juste de me mettre au bureau, mais pour faire les rentrées de tous les papiers. Mais autrement, on n'arrête pas, quoi. Prenez place, je suis moi-même le docteur Papa, chirurgien de la main. Il y a Philippe Chamagne et Isabelle Campion qui sont kinésithérapeutes du musicien. Donc vous avez une cinquantaine d'années, vous êtes droitière, vous êtes artiste enseignante, vous jouez de la contrebasse essentiellement, pas que de la contrebasse. Vous avez commencé à 7 ans et vous nous expliquez, donc redites-nous un petit peu votre problème, depuis quand, comment ça se produit, à quel moment. Alors on va dire depuis le confinement, le premier confinement. Donc à un moment où justement j'avais pas le temps de travailler mon instrument puisque je m'occupais des enfants, école et tout ça, j'ai commencé à avoir une grande douleur ici sur, je sais même pas trop cerner, mais au niveau de mon annulaire gauche. Et cette douleur, elle est restée. J'avais du mal à bouger le doigt comme ça, de gauche à droite. D'accord. Puis je viens aussi parce que j'ai quand même, je pense, des tendinites à répétition sur les deux avant-bras. Et des problèmes de dos, mais bon, ça c'est, je pense, aussi dû à mon instrument. Vous m'avez parlé que ça a débuté il y a à peu près 2 ans, au confinement. Oui. Est-ce que vous avez modifié, donc vous avez eu les enfants, vous avez fait l'école à la maison, vous avez bricolé, vous avez fait un peu de travaux, oui. Il y a quelque chose qui m'a alertée, c'est que, vous savez, en premier confinement, tout le monde s'est dit, on va faire du sport à la maison. Mmh. Et moi, je me suis amusée, j'ai pris des boîtes de conserve et j'ai fait des trucs comme ça. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas ça? Le fait de tenir comme ça et de travailler mes avant-bras, j'en sais rien, je me suis amusée, ça a duré, je sais pas, une demi-heure, histoire de dire que je faisais du sport. Et voilà, et du coup, ça m'a occasionné ça. C'est assez rapidement, c'est apparu. Oui, après ça. C'est peut-être le petit facteur déclenchant. Le petit facteur déclenchant. Bon, on va passer à l'examen, c'est possible. Ouais, vous avez sûr. Un débardeur. J'ai un t-shirt assez serré, mais je peux enlever si. Non, tu regardes d'abord la main. Oui. Vous avez estimé le poids que vous portez un jeudi? Entre 5 et 7 tonnes. Et lundi, on est à 10, 11. Que vous manipulez, vous, personnellement? Oui. Alors, avec un collègue, bien sûr, mais en gros, le surgelé, c'est l'autre jour, on avait eu 3 tonnes 2. Donc moi, je les mets sur un chariot et le collègue les range dans le congélateur. Donc, c'est de la charge. Vous savez, quand ici, la réception, elle est remplie, j'ai vu des photos. Pour Martial, il y a quelque chose de... ça le speed, quoi. Et donc, il veut faire le plus vite possible. En théorie, il y a le temps, mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir faire les choses, de se mettre dedans. Et donc, l'enjeu, c'était de travailler sur ça, sur... attends, je suis pas obligée d'aller à fond la caisse pour faire les choses. Je peux peut-être prendre le temps, anticiper, réfléchir un peu avant de faire. Parce que parfois, c'est sur pas forcément des choses lourdes, qu'on peut... C'est dans un mouvement un peu brusque, tout simplement. Et Martial a une carrière de manutention des charges, donc il est assez doué, je veux dire, en manutention. C'est pas l'enjeu. Là, c'était vraiment dire, je prends soin de moi, je me reconnecte à moi, et de temps en temps, je pratique, si besoin, quelques mouvements pour relâcher mon dos, pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'on fait en formation aussi. On tâche de leur donner les moyens de tout de suite faire quelques mouvements pour rendre à mon corps ce que je lui ai pris. Entre guillemets, c'est un petit peu ça. On n'est jamais, nous, dans un truc, le travail, il fait mal, c'est pas ça. C'est comment accomplir ma tâche dans des conditions qui, pour moi, sont connectées à mon corps le plus possible. J'ai une bonne scoliose, même. Quand je fais ça, il n'y a pas de douleur particulière? Non. Et quand vous décrivez les douleurs d'avant-bras, c'est à quel niveau? C'est plutôt au niveau c'est du coude? C'est là. C'est là. Ouais, c'est plutôt par là. Et typiquement, c'est une douleur qui... Ouais, c'est pas une douleur qui est constante, mais par exemple, je vais faire les courses, je sors avec un pack de lait, je peux être sûre que le lendemain, comme si ça avait tiré sur quelque chose. Est-ce que vous avez mal là où j'appuie? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Vous allez relever le poignet là, contre résistance, allez-y fort, fort, fort. Est-ce que ça majore la douleur ou pas? Vous avez plus mal? Là, je l'ai senti, j'ai senti un truc, ouais. Après, je me suis dit, bon, ménopausée depuis... C'est comme si tout d'un coup, mon corps, je ne sais pas, depuis la ménopause, donc depuis 1 an et demi, 2 ans... Donc à peu près au même moment. Eh ben, ça partait en couille dans tous les sens, quoi. Et c'est celui-ci qui fait le plus mal. Hein. Voilà. Voilà. Je passe la main à mes collègues kinés qui vont examiner la posture. Et... Alors, vous allez monter les deux bras devant vous. À gauche, elle a reculé son épaule. Bien, vous relâchez. Alors, ça va se traduire sur l'instrument avec une hyper-utilisation des avant-bras, d'autant qu'elle a une souplesse des doigts qui va jusqu'à l'hypermobilité. Il y a deux régions dans la main. Vous voyez, ces deux métacarpiens-là sont fixes. Ces deux-là sont mobiles. Et lorsque vous mobilisez, hypermobilisez cette région-là... Le troisième doigt, il est hyper important. C'est clair ? Ah oui, carrément. Alors, à droite, c'est moins évident parce que c'est la tenue, moins évident, la tenue de l'archet, c'est pas pareil. On le sent, c'est moins souple que de l'autre côté. Ça va, David ? Ça va. Tu vas où ? Bien, remettre ça dans le frigo. Bah alors, on te laisse passer. C'est les salades que je prépare. Ah oui, ça, c'est pour le sel et aussi pour l'internat et le sel capu. Attends, on a combien à faire ? Là, j'en fais 40, comme ça, je le mets dans ma salade là-bas. Ensuite, j'en fais 20 dans l'autre. Tu l'utilises des fois, toi, la trancheuse ? Tous les matins. Toi, tu es grand. Oui. Est-ce que tu peux mimer le mouvement, juste que j'en prenne C'est tout pour avancer. C'est comme ça pour le faire ? Oui. La trancheuse, c'est des idées, une idée que j'avais moi préconçue, par exemple. C'est-à-dire, je me disais, en tant que kiné, je pensais à l'épaule. Voilà, parce que l'épaule droite... Alors, la trancheuse, c'est vraiment ça. Si t'es gaucher, t'es quand même obligé de le faire avec la main droite. Si on est grand ou plus petit, l'épaule va être plus ou moins élevée. Donc, ça a été un sujet... Et si seulement la table était réglable en hauteur, pour que chacun y trouve la hauteur qui lui va, en fait. On est en rapport d'étonnement tout le temps, voilà. Moi, je dis souvent, je suis expert du mouvement, du corps humain, finalement, mais je suis pas expert de votre métier, quoi. Donc j'ai plein de questions naïves par rapport à comment vous utilisez votre corps pour le faire. On va aller voir David. Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, on passe les compléments. Donc du coup, bah, il nous envoie des produits soit à refaire, soit à saler pour l'essentiel et les salés. Parce que ici, ça tourne. On peut tourner sur plusieurs postes. Ça a beaucoup d'intérêt de tourner parce que dans les gestes répétitifs, c'est la principale préconisation, c'est de tourner sur les postes. Ouais, c'est ça. Et même intellectuellement, c'est... Parce que là encore, nous, ça va, on ne passe pas beaucoup de purée. Donc c'est des gestes qui sont répétitifs, mais ça va. Par exemple, là-bas, quand il y a des purées, des laitages, ben, c'est vraiment le mouvement du poignet et il faut insister pour faire tomber. Et quand il y a 800 barquettes de laitage à faire, bah, c'est vrai que le poignet en prend un coup. On fait que des petites quantités, on fait des 200, 300 barquettes. Et comme ça change de produit, on essaye de tourner un coup à gauche, un coup à droite. Et comme ça permet pas de rester sur une activité statique toute la journée. Quoi. Alors, essayez pas de faire quelque chose. Pour l'instant, rien. Laissez votre bras le long du corps. Ah, le long du corps. Isabelle Campion. Essayez de reprendre l'archet. Voilà. Essayez de lâcher le poids du bras, mais sans lâcher l'épaule, en fait. Là, tirez un petit peu l'archet pour... Continuez, hein, parce que vous allez sentir ce qui se passe quand je vais lâcher. Vous avez une partie du poids qui n'arrive plus. Lâchez le poids du bras. Plus j'appuie, normalement, plus il y a de son. Par contre, si je lâche... On s'entend. Vous voyez la différence ? Ouais, il y a moins de son. Ouais. En fin de compte, là, il y a moins de poids. Ouais. Il y a moins de son. Ok. Et merci à vous. Hein. Mais de rien. On sent que c'est assez déroutant pour vous parce que vous avez un instrument entre les mains depuis longtemps et là, vous devez vous réadapter, en quelque sorte. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va falloir que je sois un peu plus à l'écoute de mon corps parce que je fait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on est pris un peu dans un engrenage de travail où on fait les choses, les concertos, les cours. Et là, tout d'un coup, eh bien, les positions n'étaient pas tout à fait les mêmes. J'étais un peu tiraillée dans tous les sens. À vrai dire, je me suis même posé la question de savoir si j'allais changer d'instrument, si j'allais pas faire un... Enfin, vraiment, c'était... Les douleurs étaient là. Je me suis dit, peut-être que l'instrument n'est pas adapté à moi, à ma taille. Mais ça fait pas longtemps que je me pose cette question, de me dire, mais peut-être que, sans vouloir changer d'instrument, peut-être qu'il faudrait que j'en prenne un peu plus petit, qui soit adapté à moi aussi. Voilà, plein de questionnements qui arrivent, là, depuis ces douleurs. Et vous le vivez comme un renouveau, alors ? Comme quelque chose d'intéressant à... Ah oui, de passionnant, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Et puis, moi qui donne des cours... Ça me fait réfléchir aussi sur comment je vais passer ces choses-là. J'ai des petites notions physiologiques, mais qui sont vraiment très légères. Je vois bien si un enfant a une mauvaise position ou s'il me dit « j'ai mal ». On va commencer à réfléchir pour pas que tu aies mal. C'est pas normal que tu aies mal. Qu'il y ait une fatigue du corps, ça c'est normal, mais qu'il ait mal, non. Donc on va réfléchir à comment on va faire pour que ça change. Quand les patients arrivent ici, c'est qu'il y a une réelle souffrance qui les perturbe dans leur jeu. Jérôme Papa. Alors bien évidemment, quand ils sont professionnels, ça a une répercussion soit sur leur carrière, soit sur... Enfin, ça génère énormément d'anxiété. On a énormément de patients qui arrivent en bout de course, on va dire, qui ont un passé de consultations, de tentatives de traitement multiples. Et quelquefois, on sent que c'est la consultation de la dernière chance. Donc quand je suis devenu, on va dire, ce qu'on appelle chirurgien senior, c'était en 2008, je me suis rendu compte qu'on voyait beaucoup de musiciens en consultation de chirurgie de la main, mais que la réponse était très rarement chirurgicale et que je n'avais pas les éléments, les clés pour comprendre ce qui se passait, que je ne savais pas forcément à qui adresser les patients. Et donc, grâce à Internet, quand même, j'ai pu me documenter. J'ai découvert cette formation de médecine des arts. Et là, lors de la formation, il y a des kinés, il y a des musiciens professionnels, on comprend mieux leurs problèmes. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'éliminer ou de détecter un problème qui serait d'ordre chirurgical. Et s'il n'y a pas de problème d'ordre chirurgical, bien, on passe la main ensuite au rhumatologue, au kiné, etc. Je peux jouer, faire des accords traditionnels, par exemple. Mais il va y avoir un moment où ma main, par exemple, pour faire un accord de Do comme ça, il sonne pas parce que mon petit doigt, si vous voulez, il se recroqueville et touche les cordes. Donc il faut des moments, faut que je le mette comme ah ça. Oui. Et selon l'accord que je fais, et même quand je fais une gamme, par exemple, et ben je... Au bout d'un moment, vous savez, je crispe tellement... Là, on le voit pas beaucoup, là, encore. Hein. Non. Mais enfin, c'est au bout d'un certain temps. Je crispe tellement fort que je peux plus bouger. Oui. Donc, vous avez 35 ans, c'est ça, c'est 37. Ça 37 ans. Vous êtes de gaucher ou ambidextre? Droitier? Je suis droitier, oui. Droitier, là, c'est bon. Donc, vous jouez de la guitare depuis l'âge de 18 ans. C'est la main droite ou la main gauche qui vous gêne? La main gauche, d'accord. Et c'est apparu il y a combien d'années, la première fois que le trouble est apparu? Je ne pourrais pas vous dire, mais je pense vers mes 25 ans. C'était ma main qui se crispait. Donc ça devenait plus difficile forcément à jouer, jusqu'à aujourd'hui, quasiment impossible. Est-ce que vous pouvez retirer les vêtements, le haut, hein, l'épaule en elle-même, elle vous fait mal ou pas? Oui, parce que j'ai de l'arthrose dans l'épaule. Qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Musculation, je fais du vélo. D'accord. Bon, là, il n'y a pas d'abolition du pouls. Est-ce que de vous mettre dans cette position, ça donne des petites fourmis dans les doigts ou pas? Non. Serrez très très fort le poing. Empêchez-moi d'ouvrir. Ok. Fermez les deux poings. En dehors de la pratique de la guitare, vous n'avez pas de symptômes particuliers? Non. D'accord. Une gêne forcément au quotidien, puisque mes deux doigts sont courbés, mais sinon... Ok. Tu veux étudier les intrinsèques les... Mmh. Oui, alors vous avez une musculature impressionnante. Il y a de quoi. Quand vous montez les deux bras devant vous, Philippe Chamagne, au lieu de laisser glisser comme d'habitude les omoplates, ça glisse, l'épaule monte un petit peu, vous, ça fait ça. Comme vous êtes hyper musclé, vous avez dû faire ce qu'on appelle un syndrome de surmenage musculaire au niveau des muscles de l'avant-bras qui commandent la main. D'accord. C'est très possible. Vous êtes tellement musclé ici, les pectoraux, que le bras tourne tout seul. Et lorsque vous êtes sur la guitare et que vous allez, avec la main gauche, que vous allez appuyer, petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez appuyer de plus en plus fort et spécialiser les fléchisseurs des doigts beaucoup plus que leurs opposants qui sont les extenseurs et qui doivent être tout le temps entraînés aussi, parce qu'il y a toujours dans un mouvement des agonistes, c'est-à-dire les muscles qui font l'action, et des antagonistes qui s'opposent à l'action. Et vous, la coordination, elle se fait plus parce que ces fléchisseurs sont hyper développés, hyper entraînés, surentraînés par une force musculaire que vous avez mise certainement, sans vous en rendre compte bien sûr. Hein. Donc il va falloir rétablir cet équilibre-là. C'est un travail délicat parce que si vous y allez en force d'une façon trop brutale, ça va entraîner exactement le phénomène inverse. C'est très curieux, ça se passe dans le cerveau, c'est comme ça. Donc il va falloir travailler tout ça en douceur et en souplesse. Je vous ai vu à l'œuvre mardi, là je vois les contraintes de travail que vous avez. Vraiment, pensez-y à partir en arrière, c'est super intéressant. Mais ça peut être vrai pour un coude, pour un bras. Amandine Le Bonhomme, kinésithérapeute. Et tous ces petits mouvements compensatoires, ils sont dans votre livret. Et on va les retravailler et on va les refaire maintenant. Allez, c'est parti. On ouvre vers l'arrière, on écarte les bras et on se penche en avant. Là, c'est en arrière plutôt. En arrière, ouais, oh, excusez-moi. En arrière, donc ça tire. Super. Et on penche vers l'avant. Ok. Si j'ai envie de rajouter la respiration à ce mouvement, quand est-ce que j'inspire ? Vers l'arrière. Comme ça ? Ouais, super. Là, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et là, je souffle et j'enlève. Pourquoi il est bien ce mouvement ? Pourquoi, à votre avis, en tant que kiné, c'est un de mes préférés ? Parce qu'on fait les deux en même temps. Ouais, parce qu'il y a une alternance de flexion-extension, parce que ça travaille les lombaires, les thoraciques, les cervicales, mes épaules, mes doigts, tout ! Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ok ? Bon, après, vous ne reculez pas l'omoplate et vous amenez votre... Voilà. Ensuite, après, vous écartez le pouce... Vous écartez le pouce, lâchez-moi ces doigts, vous tendez les doigts, là, laissez les doigts tendus le plus possible. Vous posez l'index, vous posez le majeur, le quatrième, tout doucement, c'est pas la peine de forcer, voilà. Voilà, il faut vous entraîner absolument à avoir ça, tout doucement. Là, regardez ça. Je sens une force terrible. C'est tout à fait ça, hein, comme schéma fonctionnel dans votre cerveau, si je puis dire, et dans votre corps, bien sûr. Et puis après, c'est la main. On va libérer le pouce et essayer de poser les doigts avec le minimum de force. Essayez de ne pas bouger le pouce. Sentez une différence, déjà. Ouais, oui, mais c'est pas évident. Non. Non, mais... Tout se change. Vous voyez, parce que ce que vous faites d'habitude, c'est que vous pincez la corde des deux côtés. Oui, je vois. Vous serrez le manche des deux côtés. Il y a le pouce qui va au devant du doigt qui appuie sur la corde. En fait, on voudrait maintenir le pouce ouvert. Ce sont les autres doigts qui y vont. Essayez avec l'index. Voilà. Et on n'a plus la grosse contraction qu'on avait dans l'avant-bras tout à l'heure. D'accord. Il prépare du hachis parmentier. Ouais, c'est ça. Donc je vais essayer de trouver Jean-Cédric. Bonjour. On a fait le tour en partant de la réception, la mise en place, et là on arrive du hors d'œuvre. Voilà pour arriver au secteur chaud. Tu es en formation avec Amandine, ça se passe bien ? Ouais. Très bien. Ça va ? Moi j'ai beaucoup mal au dos en ce moment, donc j'ai bougé, j'ai fait les exercices. Et en faisant 2-3 minutes par jour, J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sérieusement, j'ai beaucoup moins mal au dos. Donc je prends plus d'antidouleurs, voilà. On va essayer de mettre en place de ne plus forcer tout seul à porter des poids lourds, demander de l'aide et systématiquement. Et bah, ce matin, j'ai porté quelque chose tout seul et mon collègue m'a dit bah, « demande de l'aide ». Et tu as accepté tout de suite ? Non, c'était trop tard. Ah, voilà. Pour la prochaine fois, du coup. Ouais. Ici, le sujet, c'est les laitages et la purée, pas mal. Ouais. Ouais. Et vous devez recevoir bientôt peut-être du matériel pour pouvoir vous aider à les lever ou pas ? Il est arrivé. C'est vrai ? Oui. Ouais, d'accord. Après, je sais pas, il a été mis en route juste ce matin, juste pour voir. Et c'est vrai que le problème, c'est, ben, c'est les poids, c'est les gestes répétitifs, une marmite de purée, ben, ça fait 45 litres à peu près, qu'on lève à 10 cm de hauteur à 90 cm. Et on peut arriver de le faire, je sais pas, 15 fois ou 20 fois dans la journée. Moi, je viens de la restauration traditionnelle où les charges de poids sont beaucoup moins importantes. Donc je me suis fait un petit peu mal au dos. Après, bon, ça a passé. Et là, depuis un an, je ressens des douleurs dans les épaules et dans le dos. Là, j'ai une ceinture là, depuis 10 jours. C'est sûr qu'il y a des gestes comme nettoyer les marmites, faire des gestes circulaires. Mais on nettoie, je ne sais pas combien de fois on les nettoie par jour. C'est tout le temps le même geste répétitif. Et on a des douleurs dans les épaules. Toutes les personnes qui sont au cuisson dans le secteur-là depuis 7, 8 ans ou 10 ans, on ressent des douleurs dans les épaules. Et moi, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que ben, on va essayer de mutualiser le travail, c'est-à-dire qu'il y a 5 gamelles, ben, c'est pas la même personne qui va faire 5 gamelles, on va essayer d'en faire une chacun. Et même si on tourne régulièrement de poste et d'horaire, donc les tâches sont inversées une semaine sur deux à peu près. Vous êtes comme ceci. Vous allez maintenir les doigts sur l'instrument et ramener l'instrument à la bouche. Et non pas la bouche à l'instrument. L'instrument à la bouche et non pas la bouche à l'instrument. En mettant le moins ça, c'est aussi très important aussi. Ouais, pas trop hein, pour ne pas tendre le cou en avant. Voilà. Bon, maintenant, essayez non pas de jouer, mais essayez de retrouver un relâchement musculaire sans bouger beaucoup. Compte rendu de consultation, docteur Papa, Isabelle Campion, Philippe Chaman. Chers confrères, nous voyons ce jour en consultation au conseil pluridisciplinaire. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Nous, on a entendu un son qui était meilleur. Oui. Ça m'est plus facile de jouer sur la main droite, en tout la cas, droite, c'est plus facile. Oui. On va retrouver, s'il est disponible, Julien, qui aujourd'hui est en décongélation. Il déconditionne ce qui est congelé pour les mettre dans des plateaux, pour qu'après, en cuisine, il puisse cuisiner le produit. Céline Sanchez, kinésithérapeute. Allez. Salut Julien, c'est Céline, c'est nous. Ici, on lève beaucoup de cartons, c'est max 10 kg. Donc, on soulève plusieurs fois 10 kg. Et puis, on fait des gestes de gauche à droite. C'est toujours toujours en bas du dos, les douleurs. Et puis, voilà. En gros, c'est ça. Après, il y a le froid qui est aussi contraignant. Parce que, du coup, quand on a chaud et qu'on va dans le froid, automatiquement. On peut se baisser, on peut se faire mal. Voilà. Et puis autrement, c'est tout. Si avec un peu d'entraînement, ça va. C'est la répétition. C'est la répétition. La répétition. Et puis surtout aussi, quand on sait trop faire les choses, c'est là que du coup, on oublie de faire les bons gestes. Tu mets le petit carton ici pour tenir le couvercle de la poubelle. Ah oui. Nous, kinés, moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais dire à Julien comment faire son métier, c'est clair. Pas du tout. Mais par contre, on repère les bons trucs et astuces des uns et des autres. Parce que on met tous en place des choses pleines de bon sens. Et c'est des trucs et astuces, mais que peut-être l'autre n'aura pas pensé à faire ça comme ça. Et ce petit bout de carton, c'est que ça évite d'appuyer sans cesse sur la pédale pour ouvrir la poubelle. Et l'hygiène, évidemment aussi. Mais d'abord, je trouvais ça super astucieux de ne pas avoir à appuyer tout le temps sur ce fameux truc. Parce que tu peux le faire toutes les... tu fais que ça, tout le temps ? Tout le temps. On ouvre tellement de cartons, exemple là, j'avais 100 kg de colin à faire. c'est des cartons de 5. Automatiquement, on fait ça le nombre de fois, 40 fois, 50 fois, voilà, ça peut être, ou même plus, parce que du coup, après, il y a quand même d'autres produits, donc on peut faire ça 100 fois dans la même journée. Donc c'est vraiment la créativité, en l'occurrence, du travailleur qui permet d'adapter son poste de travail. Je pense. Puis celui-là, on voit faire ça, donc automatiquement, tout le monde fait ça. Entre le travail prescrit et le travail réel, on a chacun notre façon de faire les choses, par habitude, par prédominance fonctionnelle, on appelle ça nous kinés, c'est-à-dire par gestes les plus inconscients pour nous et faciles à faire. On a tendance à faire toujours du même côté, par exemple, voilà, mais c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est une habitude, c'est une prédominance. Et en fonction de sa force, est-ce que je suis capable de porter la plaque pour la mettre d'un coup avec toutes les barquettes ? Voilà, c'est plein. En fait, la tâche est la même, mais on a plein de façons de faire différentes. Et les échanges de pratiques pour ça sont super riches parce qu'on parle du travail, de comment je fais mon travail et de comment on peut le faire de façon la plus... Comment être feignant, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, comment je peux m'arranger la vie pour le faire en m'économisant, entre guillemets, voilà. Julien, vous diriez que la communication entre collègues ajoute à la prévention des troubles musculo-squelettiques, des douleurs qu'on peut avoir au travail ? Pour moi, oui. On échange. On échange sur les bonnes pratiques. On augmente son catalogue de pratiques pour utiliser son corps. Il y a des choses pour certains qui sont plus pratiques. Pour d'autres, ça va être plutôt d'autres choses, selon sa taille, si t'es droitier, gaucher, enfin bref, plein de choses. Mais par contre, on a la connaissance de toutes ces façons de faire. On a augmenté son catalogue de façons de faire. Et finalement, ce qui est néfaste, c'est un grand mot, mais c'est finalement de faire toujours de la même façon une certaine chose. Bon, on vous laisse travailler. D'accord, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai commencé à une époque où on disait bon, sans vouloir, voilà, je renie pas du tout mon professeur que j'ai adoré et tout ça, mais c'est le métier qui rentre, voilà, c'était vraiment le mot, c'est le métier qui rentre, quoi. Et puis après, il y a les conditions de travail qui font que quelquefois on fait des concerts dans des conditions qui sont pas bonnes, dans une église pas chauffée, on n'a pas le temps de s'échauffer, on joue directement. Et là, on sent qu'on sollicite la musculature de manière. Voilà, qui n'est pas approprié, quoi. Et puis, comme on ne nous en parle pas vraiment au cours de notre apprentissage, en tout cas, moi, à mon époque, je pense que vraiment, là, ça change. Moi, je ne me suis jamais échauffée avant de jouer sur mon instrument. Tout de suite, je me suis précipitée à jouer. Le seul échauffement que je fais, c'est une gamme. Mais est-ce que c'est un échauffement ? J'en sais rien. Je crois que ce qui a été dit, là, je suis arrivé un peu en cours, c'est extrêmement important, c'est cette notion de prendre soin globalement de son corps, d'échauffement, de règles hygiéno-diététiques, de dérivatifs aussi, savoir faire un peu de sport, aller se promener. C'est bien de vivre pour la musique, mais de savoir faire des coupures. Quand on joue, peut-être toutes les 50-60 minutes, faire une vraie pause. Il y a des études qui ont montré que les muscles étaient en souffrance si on jouait plus d'une heure, une heure et demie, et qu'il suffit de s'arrêter 5-10 minutes pour que la vascularisation à nouveau s'améliore, pour éliminer un petit peu les toxines. Et le parallèle est souvent fait avec les sportifs de haut niveau, aussi bien pour la prise en charge que pour l'activité. Effectivement, un sportif de haut niveau, il met pas les crampons, il prend pas sa raquette de tennis et c'est parti à fond pour le match. Il s'est échauffé plusieurs heures avant le match. Il prend extrêmement soin de lui en termes d'alimentation, d'hydratation. Et ça, c'est un point important. Enfin, je pense que vous en avez peut-être parlé aussi. Il y a une notion un petit peu aussi de précarité, souvent chez les jeunes musiciens qui sont en formation ou autre. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on vit dans des bonnes conditions? Je ne sais pas. Mais tout est à prendre en compte. C'est pas que le jeu à l'instrument direct. Voilà. Et s'échauffer avant même de toucher l'instrument, c'est capital. Il faut que ça dure de très longues années parce que le parallèle avec les sportifs, il est souvent fait. Sauf qu'un sportif de haut niveau, à 30, 35, voire 40 ans, la carrière est terminée. Un musicien d'orchestre, il va tenir jusqu'à 60. On a vu des patients ce matin de 70 ans. Vous le faites faire des pauses ? Il y a des fois, c'est juste pas possible. Là, juste avant, au premier trimestre, là, j'ai fait une opérette. Quand on joue, on joue. Quand on répète, on répète. On va pas dire non-stop. Enfin, le service, il dure 3 heures. Alors, on joue pas tout le temps, mais il y a une petite pause, voilà. Mais on joue, en fait, c'est notre travail. Et si il y a 2 services dans la journée, on fait les 2 services, plus le concert le soir. Mais ça me parle beaucoup, cette histoire de sportif de haut niveau, parce que je trouve que, à la différence des sportifs de haut niveau, nous, on est seuls. On n'a pas une équipe derrière nous qui va nous dire « Attention, fais attention, bois mieux, mange mieux. » Moi, je suis chez moi toute seule, mais mes conseils, je me les applique à moi-même et je réfléchis juste moi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et vous en souffrez ? Ah ben un peu, je pense, oui. En travail prescrit, travail réel, ce qui est intéressant, c'est l'écart qu'il y a entre les deux. J'ai un travail prescrit, est-ce qu'on me donne les moyens de faire ce travail correctement ? Pas facilement. Quels moyens on me donne pour le faire ? Est-ce que j'ai le choix de ces moyens pour le faire ? Parce que si c'est trop cadré, on va être contraint et on n'aura que peu de choix dans la façon de faire les choses. Et si c'est trop large, débrouille-toi pour le faire, le travailleur n'a pas les conditions optimum pour faire son travail puisqu'il va se fatiguer pour pouvoir faire les choses puisqu'il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Donc on cherche cet équilibre et ce qu'on recherche aussi effectivement, c'est de voir toutes ces différentes façons de faire. Et ça va enrichir les façons de faire au travail et les améliorations qu'il peut y avoir sur des trucs tout simples, hein, du petit matériel ou un changement d'organisation, ça peut avoir un impact considérable sur le travail réel par rapport au travail. Parce que le travail hyper cadré, ça ne donne que des contraintes et ça appauvrit, on va dire, même le geste est appauvri, quoi. Si on disait que tu n'as pas le choix, tu le fais toujours de la même façon, il y a des études qui ont montré que si on n'a pas le choix que de faire toujours de la même façon physiquement, ça appauvrit même au niveau physiologique les muscles, les tendons, etc. Ce qu'il faut laisser, c'est la place à la créativité inconsciente, j'ai envie de dire, quoi, de la personne. Quoi. Et vous, kinésithérapeute, vous avez le sentiment que vous pouvez accompagner cette créativité d'une certaine manière ? Oui, en écoutant les gens. Donc déjà, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu as ? Comment tu vas ? Pour pas mal de petites choses, on peut tout de suite donner des conseils qui vont leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes, en fonction du bilan qui aura été fait, donc tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que pour la personne, ça va être « je reprends confiance en moi ». Il y a parfois des gens qui ne font pas par peur de se faire mal, par exemple, alors que voilà. Donc il suffit d'accompagner ça juste pour qu'ils reprennent confiance et redeviennent créatifs. Il y a l'effet du collectif qui est hyper important. Clairement, dans les formations collectives, il y a énormément d'échanges. On n'est pas du tout sur un cours magistral, nous, nos formations, elles sont très actives. Vous me décrivez le poste et la situation. Description, contrainte et risque. C'est qu'est-ce que ça engendre sur mon corps ? Est-ce que ça me déclenche de la douleur ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est la répétition du geste qui fait que c'est embêtant ? Et on va essayer tous ensemble de trouver des éléments de réponse. Alors, dans les réponses apportées, il peut y avoir les mouvements du livret qu'on a travaillé déjà ensemble, mais ça peut être aussi le changement. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour changer ça ? On a des roulettes, mais les roulettes, à force de les passer dans les machines, eh ben, du coup, elles ne roulent plus. Et je me demande même, quand je prends mes roulettes, comment ils ont fait de la chaîne chaude et du froid pour nous emmener les roulettes, parce qu'elles ne roulent pas. Tu poses tes cagettes sur un plateau, c'est les plateaux rouges et blancs, là, c'est ça ? Oui, les roulettes. Les roulettes. Ça, tu peux choisir tes roulettes. Ah, bah, oui. Oui, mais ouais. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et elles passent dans une machine à 70 degrés. Donc forcément, la graisse qui est sur les roulements, il dégage. Grosso modo, on s'adapte, on se débrouille. Il en manque, tu te débrouilles. Ça marche pas, tu te débrouilles. On doit s'adapter en permanence. On a des fois 10-15 glaçons dessus. Et le glaçon, il pèse, allez, je vais dire 2 kilos à peu près. Donc multiplié par 10 ou 15, ça fait quand même un sacré poids. Alors nous, quand on part de la plonge et qu'on doit emmener ça au congélateur, je peux vous dire qu'on s'amuse. Il y a des consommables qui sont... qui ont une bande de roulement épaisse de 2 à 3 cm à la base quand elles arrivent. Il y en a dans la cuisine, elles ont moins d'un centimètre de bande de roulement, elles servent encore. Ouais. Est-ce que le budget du changement des roulettes est plus important que la santé des salariés ? N'hésitez pas à régler la hauteur pour être sur votre hauteur habituelle de jeu. Alors, j'ai essayé toutes les postures. J'ai essayé de me mettre plus haut récemment pour essayer de baisser le bras. Je sais pas, j'avais l'impression que quand je baissais le bras, mais c'est pas flagrant. Non ? Ouais. Là, c'est quand même trop haut. Ouais. Et sur quelle corde vous êtes le moins bien ? Je pense que c'est sur la corde de là. Sur la corde de là, ouais. Sûrement. Sûrement, ouais. Oui, d'ailleurs, on voit là l'épaule qui monte. Plus il va jouer en abduction, plus loin, bah, ça c'est évident. Peut-être que l'idée de monter est pas mauvaise. Bon, c'est bon. Vous allez d'abord vous mettez un peu plus droit. Ouais. Vous pouvez baisser la tête sur le violoncelle, ouais, sans vous affaisser. Voilà, vous allez porter à fond le bras en avant, en abaissant l'omoplate, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ouais. Bon. Maintenant, vous allez tourner le bras complètement, complètement, là, ici. Ouais. Voilà. Hein? Bon, maintenant, vous allez retourner l'avant-bras. Vous voyez, l'avant-bras, il peut tourner, ouais, sans entraîner, ouais, le bras. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Voilà. Ça, et maintenant, pas mal, parce que quand c'est ça qu'on s'entourne, ça fait mal. Ça. C'est exactement quand ça, quoi, le problème. On peut parfaitement tourner, ah oui, l'avant-bras sans tourner le bras. C'est ça le schéma, si vous voulez, que les musiciens oublient tout le temps. Ou c'est jamais, que la... ou jamais acquis, d'ailleurs. Hein, je... non, voilà. Et après, on pose l'archet. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Il faut, quand vous déplacez votre bras, que l'omoplate reste plaqué sur la cage thoracique. Ouais, et vous, quand vous bougez votre bras, pour elle mobiliser l'archet, elle se décolle. Ouais. Et plus vous jouez, plus ça se décolle, d'ailleurs. La deuxième condition, c'est que l'omoplate, elle suive les mouvements du bras. Ouais. C'est-à-dire, elle doit rester stable sur la cage thoracique, ouais, elle ne doit pas se décoller, mais elle doit se déplacer sur la cage thoracique pour suivre les mouvements du bras. Et vous, elle part dans une direction qui est opposée au mouvement du bras quand vous tirez l'archet. Oui, exactement. Et la troisième condition pour qu'il n'y ait pas de frottement des tendons sur votre épaule, c'est quand on fait des déplacements du bras, des portées du bras, il ne faut pas tourner le bras à l'intérieur. Plus vous tournez le bras à l'intérieur, ouais, plus vous augmentez les frottements sur les tendons qui sont à l'intérieur de l'épaule. L'inflammation, la douleur, c'est et tout ça. C'est pour ça que vous avez, ouais, plus mal sur la corde de là et quand vous êtes à la pointe. Ah, oui. Mais c'est pour ça que je vous demandais si ça augmentait avec le son. Parce que c'est souvent ce qu'on voit, ces personnes qui manquent de son, en fait, à la pointe, à cause du décollement de l'omoplate. Et vous le compensez pour obtenir le son dans quelque chose qui dégrade le fonctionnement de l'épaule. Vous allez chercher de la force dans la rotation du bras, la rotation interne, pour avoir l'appui à la pointe. Alors, il y a une grande règle en physiologie. C'est que toutes les rotations externes du bras vont faciliter la disponibilité de la main. Toutes les rotations internes impliquent une force à la main. Donc, automatiquement, alors, ce que vous a dit Isabelle est très juste, c'est que ça va augmenter énormément les tensions au niveau des tendons et des muscles. Et puis, au niveau de la main, ben, c'est contre-productif parce que c'est beaucoup trop appuyé, trop fort, trop... Mais d'autant plus que là, on est sur une épaule pathologique, avec une vraie rupture de coiffe. Donc, au-delà de l'inconfort dans le jeu des douleurs, ça va accélérer la dégradation vers l'omarthrose dont on vous a parlé. Donc, cette notion de, voilà, de stabiliser l'omoplate et de recentrer, moi, c'est les termes que moi j'emploie, mais on parle de la même chose, ça va vous protéger et retarder le moment où vous aurez besoin de la prothèse. Et tout ce travail-là, il va être bénéfique pour le jeu au violoncelle et dans la vie de tous les jours pour retarder l'échéance d'une prothèse d'épaule. Alors là, on voit les plateaux arriver en bout de chaîne et entrer dans un chariot. Ces chariots qu'on appelle des régés sont prêts à être emmenés dans chaque service. Les agents des services intérieurs que j'ai eu en formation donc, l'année dernière vont récupérer tous ces chariots et vont les amener dans chaque service. Tout l'hôpital va être livré en 30 minutes. Pourquoi ? Parce que s'il y a du retard, eh bien les agents des services intérieurs se font un petit peu gronder par les infirmières ou les aides-soignants dans les services. Pourquoi ? Parce qu'elles-mêmes se font gronder par les patients en bout de piste. En fait, on ne se rend pas compte que parfois, il y a des choses qui peuvent se répercuter comme ça. Et ici, c'est clairement le cas. Le battement de cils d'une personne va impacter tout le monde ensuite. Bon. Alors là, la personne qu'on voit en face de nous, elle est quand même... presque à genoux. Elle est à genoux accroupie, ouais. À genoux accroupie pour prendre en bout de tapis roulant les plateaux et les rentrer dans le chariot. Ouais. Vous, en tant que professionnel, comment vous voyez cette posture ? Je l'ai vu bouger. Alors, c'est temporaire, sa position. Et tant mieux, parce qu'il est... Alors, il est très grand. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est très grand, donc il préfère se plier plutôt que de se baisser. Il préfère fléchir ses genoux plutôt que de baisser son dos. Je sais qu'il y en a certains qui le font que en se baissant au niveau du dos. Lui, il plie les genoux. ce que je dirais, c'est que c'est l'alternance qui est bien. Il peut faire un coup comme ci, un coup comme ça. Peut-être que, là c'est mon regard de kiné, hein. Peut-être qu'il pourrait varier un peu plus ses façons de faire, puisque depuis tout à l'heure on est là, et effectivement il fait toujours accroupi. Alors qu'il pourrait faire un coup en fente, un coup... C'est pas quelque chose qui nécessite de la force, donc là clairement en formation, c'est ce dont on parlerait, l'alternance des façons de faire pour cette chose-là. La tâche est la même, mais il peut le faire un coup accroupi à genoux, un coup en se penchant juste au niveau du dos, pourquoi pas, un coup en fente plutôt, un coup en chevalier servant aussi. Donc voilà, c'est tout ça qu'on voit en formation pour qu'ils aient un panel de façons de faire beaucoup plus grand. On voit, il fait strictement la même façon tout le temps. Et ça, c'est des trucs tout bêtes. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on viendra sur le terrain, nous on fait des vidéos, des prises de vue. Peut-être qu'il n'en a déjà pas conscience, tout simplement. Donc déjà, ça sera prendre conscience que je fais toujours de la même façon. Et sans doute qu'après, il se dira, bah tiens, là, si je changeais, et si je changeais, et si je changeais. Ah, je suis content. Au-delà de mes espérances. C'est vrai ? Bah oui, il y a une solution, et puis c'est une solution qui est douce, j'allais dire, qui n'est pas invasive. J'avais jamais eu une bonne posture, donc... C'est important pour vous de jouer ? Ah oui, c'est un plaisir. C'est devenu un plaisir il y a quelques années, alors que je suis amateur et qu'au départ, c'était une contrainte familiale. Et maintenant, c'est devenu un réel plaisir et un nécessaire pour mon équilibre. Je joue en quatuor de violoncelle, enfin en orchestre. Et ces derniers mois, ça me handicape, je n'y arrive pas, quoi. Parce que finalement, des kinés, j'en ai vu, mais... Si j'ai bien compris, les prescriptions étaient pas forcément adaptées, voire inadaptées à mon problème. Puis j'ai bien aimé la bienveillance aussi, l'écoute. Voilà. C'est que ça fait quand même pas mal de temps que je consulte, donc soit des chirurgiens, soit des kinés, soit mon médecin généraliste. Et finalement, ils ne pratiquent pas l'instrument, donc... J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas non plus comprendre, savoir ce que je ressens, la gêne, les douleurs. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je ressens une adaptation, quoi, des gens qui connaissent. En plus de leur expertise professionnelle, ils connaissent la musique. Quoi, donc, puis ils doivent voir des musiciens autrement professionnels que moi, donc ils ont l'habitude, quoi. Les musiciens sont des personnes extrêmement sensibles, avec un investissement dans leur activité, dans leur travail colossal. Pour certains, c'est toute leur vie. Ils vivent musique, ils pensent musique, et l'arrêt de l'instrument ou le moindre petite perturbation dans le jeu a d'importantes répercussions. Il est arrivé à la consultation qu'il y ait des psychologues en fonction des dossiers qu'on reçoit, que les dossiers sont étudiés à l'avance, donc on forme l'équipe de consultation de manière adaptée. S'il y a des demandes avec une souffrance psychologique importante, le docteur Arcier peut faire appel à un psychologue. Ça, c'est théoriquement quelque chose qu'on doit faire dans toute consultation, c'est prendre aussi l'aspect psychologique, moral, en compte. Bon, moi, la musique, c'est ma passion aussi à côté. J'ai moi-même eu des petits soucis de tendinite parce que j'ai joué énormément. Et j'ai vécu l'angoisse de se dire « je ne peux pas jouer parce que j'ai mal à chaque fois que je joue ». Et se pose immédiatement cette question, mais est-ce que, en fait, je vais pouvoir rejouer un jour ? Quand on a vécu ça, on est bien proche des problèmes, mais c'est vrai qu'on essaie de trouver des solutions le plus vite possible, que ce soit pour des amateurs et pour des professionnels d'ailleurs. Mais la prise en charge, il faut absolument qu'elle soit globale, déjà corporellement, et puis globale, bah, évidemment, entre le corps et l'esprit. Bon, souvent au départ, tu me contredis Philippe, mais dans les dystonies de fonction, les médecins ont pensé, parce qu'on avait du mal à comprendre ce que c'était, que ça proviendrait toujours de problèmes psychologiques. Ce qui, suivant les études en psychologie, s'est avéré faux. Enfin, il y a des facteurs favorisants, mais il n'y a pas de cause psychologique. Par contre, on imagine bien qu'un musicien qui ne peut plus jouer, ou en tous les cas qui se demande à chaque instant si quand il commande un doigt, ce doigt va effectuer le mouvement qu'on attend de lui, évidemment, il y a des causes psychologiques qui s'installent et qui vont aggraver le problème. Qu'est-ce que vous jouez, vous, comme instrument ? Alors moi, mon instrument, c'est surtout le violoncelle. J'avais commencé par le piano, mais mon véritable instrument, c'est le violoncelle. Et ça y est, là, vous avez retrouvé la mobilité nécessaire ? En fait, j'ai supprimé la douleur en jouant. parce que je trouvais pas de solution médicale quand même. Hein. J'ai essayé de comprendre et je me suis mise devant un miroir. C'est vrai que je suis très souple, c'est vrai que je fais des amplitudes de mouvements qui sont vraiment extrêmes et que forcément ça doit solliciter des tas de choses beaucoup trop. J'ai été obligée de me mettre devant un miroir parce que quand on a l'habitude de faire un mouvement d'une certaine manière, en fait, le cerveau n'analyse plus comment on le fait. En tous les cas, il ne donne plus les informations à la conscience. Donc j'étais obligée de me regarder dans un miroir pour voir les amplitudes de mon poignet. Et en fait, c'est à force de jouer en tenant mon poignet pour qu'il bouge moins, qu'en fait, je me suis renforcé les muscles qui bougent le poignet, que du coup, j'ai moins mobilisé toute cette souplesse et que petit à petit, la douleur est partie. La physiologie, c'est ça la base de réflexion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut trouver des compromis entre les contraintes de l'instrument, les envies de la personne et respecter la physiologie. Et en fait, on a besoin absolument des trois. On essaie de voir un peu les autres pistes d'amélioration que vous voulez qu'on discute. Nathalie ? Moi, c'est plus un chariot à ma hauteur quand je sors quelque chose du feu pour pouvoir coulisser ma marmite sur mon chariot. J'ai une grosse marmite qui est lourde, je peux pas la porter pour aller. Elle est à quelle hauteur ta marmite ? Ben, moi je suis grande, donc c'est vrai que le plat de cuisson est pour les petits qui étaient avant. Donc du coup, moi elle m'arrive là. Donc si je veux faire coulisser ma marmite sur un chariot, il manque ça quoi. Et c'est vrai que si je pouvais avoir un chariot réglable, c'est-à-dire à la hauteur de la personne qui travaille à ce moment-là, ben voilà quoi. T'as des grandes marmites. Je vais dire quoi, Nathalie ? 15-20 litres de flotte, tu cuis ta quantité de pâtes, t'es obligé. Moi je le fais, mais à mon détriment. On porte une charge de 25-30 kilos sans problème pour aller égoutter tout ça. On s'adapte. Ils font tout pour nous faciliter la vie avec des belles machines. Sauf que c'est les gens dans les bureaux qui vont les voir et qui les testent. Voilà, et ben j'allais te dire ça. Au niveau des nouvelles régies, donc c'est le chariot où on met les plateaux côté chaud, côté froid, et qui monte après dans les services pour les officières. Et, voilà. Ceux qui étaient de plonge déjà, ou même ceux qui mettaient dans les plateaux, on leur a pas demandé leur avis. Et en fait, on a demandé des avis à deux personnes qui ne poussaient pas les régés. Donc, ils ont choisi. Donc, on a eu des régés de merde. Et moi, qui étais de plonge une fois, j'ai dit, bah, c'est bien. Ils ont changé les plateaux, il fallait les mettre dans la machine. Et ils étaient plus lourds. Je dis, c'est bien, bravo. Vous avez demandé notre avis ? Nous qui faisons ça tous les jours ? Non ? Moi, je fais un laitage, donc j'ai un pichet de 2 litres. Et donc, je verse dans des barquettes. Et au bout d'un moment, ça me... Donc ils m'ont mis une machine en circulation, qui en fait c'est un piston, mais du coup il y a un gros tuyau qui suit derrière, et c'est encore beaucoup plus lourd. Et j'ai... Ils ont validé. On nous prend des choses, on nous prend du matériel, c'est comme ça, donc vous devez vous adapter. Ce qu'on m'a dit là aujourd'hui, c'est passionnant, mais c'est la première fois qu'on me le dit. Avec et j'ai 50 ans. Combien donc, de temps de métier ? Moi, la contrebasse, j'ai commencé à 17 ans, mais j'ai fait du violoncelle à 7 ans, donc, et je l'enseigne, donc je transmets. Finalement, l'outil principal, c'est le corps, et il y a un angle mort sur le corps. Ah oui, oui, le corps, il est complètement, je pense, laissé de côté pour la performance, en fait, pour les diplômes, les études, les concours. Mais je pense que ça change. Moi, je suis d'une génération où vraiment, il n'y avait pas du tout cette réflexion-là, mais je pense que pour les jeunes musiciens, ça a vraiment évolué. Puis à l'encontre des athlètes, le côté émotionnel apporté par la musique. Moi, je sais que je fais maintenant, à mon âge, je ne joue qu'avec les gens avec qui je me sens bien. C'est vraiment des choix que j'ai faits. Petit à petit, les cachetons chiants avec des gens qui ne sont pas contents et tout ça, non. Maintenant, j'arrive à faire des choses vraiment, c'est presque la famille, et des projets personnels. Et du coup, le plaisir musical y est. Du coup, quelquefois, on force un peu parce qu'on est bien, parce qu'on fait de la musique, quoi, tout simplement. Avec le niveau qui augmente partout. La compétition. La compétition qui augmente partout. Moi, j'ai l'impression que la pression, elle augmente. Mais je me rappelle de 2 ou 3 cas où là, ça faisait vraiment mal au cœur parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit « J'ai tout sacrifié, toute ma jeunesse. Je n'ai rien fait d'autre. » Je n'ai pas d'amis, je ne suis pas cultivée, et maintenant j'ai plus envie de jouer, donc je vais changer de métier. C'est leur corps qui leur disait « je n'ai plus envie de jouer ». Et ils n'avaient même plus la force, parce qu'en fait, ils auraient pu changer leur manière de faire, et qui me disaient « non, ça va, je ne vais pas maintenant essayer de passer du temps pour revenir en arrière, recorriger des gestes. C'est trop pour moi, je préfère arrêter ». Pourquoi ils venaient, ces gens, alors ? Je pense qu'ils avaient besoin de le dire. Puis alors, il y a eu un autre problème, c'est que certains élèves, quand j'allais à l'école normale supérieure, ils voulaient tellement copier le maître en n'ayant pas les mêmes capacités physiques, ni la même morphologie, qu'ils sont arrivés à se créer des problèmes physiques. Je pense que la concurrence ne diminue pas, même elle augmente. Mais que par contre, la prise de conscience de l'importance de la santé corporelle du musicien augmente. Mais il y a eu aussi des formules inverses. Hein. No pain, no gain. Hein, c'était les Anglais qui disaient ça. Donc il fallait en baver. Il faut souffrir pour être bon. Voilà. C'est probablement la pire croyance qui est quand même encore ancrée, qui est justement un frein à la prévention. Parce que si on met dans la tête des gens qu'en souffrant, on a bien travaillé, c'est pas la bonne solution. Au contraire, la solution, c'est de bien travailler, pas forcément beaucoup, parce que ça rejoint ce que vous disiez là sur la musculation. C'est pas parce que le biceps est très gros qu'on a bien fait la muscu. Et là, c'est pareil. On peut faire 8 heures d'instrument, mais si la posture est mauvaise, si on n'observe pas un minimum de précautions, d'échauffement, etc., on ne durera pas. Merci à Jérôme Papa, Philippe Chamagne, Isabelle Campion, aux patients de la clinique du musicien. Merci à Céline Sanchez, Amandine Le Bonhomme, et Martial, Julien, David, ainsi que tous les personnels de l'hôpital de Saint-Brieuc. Coordination, Perrine Carvran et Marivonne Abolivier. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Jean-Philippe Navarre.